cours numéro 29. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. On est toujours dans ce passage où Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh il a cité ma yata'allaq bi al-iman bil yawm al-akhir, ay la foi au jour dernier. Et dans le dars précédent, stafadna une fa'ida tayyiba an al-iman أو أن الإيمان باليوم الآخر سالإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هكذا قال الإمام ابن تيمية. أي le jour dernier c'est la foi au jour dernier, c'est la foi en tout ce qui se passe après la mort. فلهذا قيل أن من مات قامت قيامته. Celui qui meurt sa qiyama, elle commence. Et son jour dernier, il commence. Hier, on a étudié tout ce qui est lié à la tombe, le châtiment, le délice, al-fitna, les questions. وَالْيَوْمْ بِتَوْفِقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ On continue. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ إلى أن تقوم القيامة الكبرى. Et hier on s'est arrêté à Huna. Ay, après al-fitna, après les questions dans la tombe, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, fa imma na'imun wa imma adab. Imma, la personne elle est châtiée, imma elle est récompensée. إلى أن تقوم القيامة الكبرى. Et cette étape la tombe jusqu'à le jour dernier. ثُمَّ قَالَ فَتُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْزَادِ وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ تُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْزَادِ. الْأَرْوَاحُ c'est le pluriel de ruh. وَالْأَجْزَادُ c'est le pluriel de jasad. Et chacun elle retournera dans le corps que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé à ce abd. Thumma, chaque corps il sera ressuscité. فَتُعَادُ الْأَرْوَاحِ إِلَى الْأَجْزَادِ وَتَقُومْ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا. Thumma, le jour du jugement. Aïe, awalan, le jour de la résurrection, tout le monde sera ressuscité. Chacun retrouvera son corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera tous les morts. Thumma taqoumu al-qiyama, ay le jour du jugement. Wa al-adilla ala hadha, il y a beaucoup de preuves min al-Qur'an, min al-Sunnah. Et on peut citer qawluhu a'azza wa jal, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun. Ay, chacun de nous, il mourra. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Tout le monde goûtera à la mort. Thumma innakum. Et chacun de vous, et tous les morts, tous les êtres humains, thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun. Wal-ba'thu, c'est la résurrection. Ay al-arwah, tu'adu ila al-ajzad. Et ce corps, tous les corps, ils sortiront de leur tombe. Wa qawluhu azza wa jal, man yuhyi al-idham wa hiya ramim. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. نعم. الْكُفَّارَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ. Ils ont posé la question مَنْ يُحْيِي الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٍ. Qui c'est qui va ressusciter ces corps, ces squelettes, ces os qui sont devenus poussière? لأن l'être humain, au bout d'un certain temps, quand il est dans sa tombe, Hatta le squelette disparaît. Il devient poussière. Tu ne différencies plus entre le squelette, les os et la terre. Qui c'est qui va ressusciter ses os? Alors que ses os, c'est devenu de la poussière. Celui qui a créé ce corps la première fois, c'est lui qui ressuscitera le corps. قال عز وجل وهو بكل خلق عليم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il sait tout et il est capable de tout. جل وعلا. ومن السنة فبكو الأدلة ستأتي بعضها معنا إن شاء الله في السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. نعم قوله أن الناس يحشرون أي tout le monde sera ressuscité. Et celui qui veut plus de preuves, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son charh, il en a cité quelques-uns. Et hada kadhalik c'est bil ijma', l'unanimité des muslimoun, celui qui ne croit pas en hada al-ba'th, fala shak annahu c'est un kafir billah azza wa jalla. أما الأدلة على يوم القيامة فكثيرة في القرآن. Les preuves sur le jour du jugement et après la résurrection. Beaucoup de preuves. قوله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نعم. Et beaucoup de preuves. الله سبحانه وتعالى Il a décrit يوم القيامة كثيرا dans le Coran. قال رحمه الله فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. Donc ce jour-là, les êtres humains, ils seront ressuscités. Chacun de nous. Et النبي صلى الله عليه وسلم, il a cité la description de chacun de nous ce jour-là. Hufatan, uratan, ghurla. قال الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم الخروج أي الخروج من القبور. Ce jour-là, ils sortiront tous de leur tombe. Quel jour? قال عز وجل يوم يسمعون الصيحة بالحق. Le jour où ils entendront الصيحة. Un bruit énorme. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يعني النفخ في الصور. كما جاء في بعض الأحاديث أن un ange il soufflera et tout le monde sera ressuscité. Il y a deux souffles. Le premier souffle, tout le monde mourra. Et ceux qui sont encore sur terre. Et le deuxième souffle, tout le monde sera ressuscité. قوله حفاة عراة غرلا كما جاء في الحديث. حفاة أي ليس عليهم نعال ولا خفاف كما قال شيخ ابن عثيمين. حفاة أي pieds nus. Tout le monde sera ressuscité pieds nus. قوله عراة ليس عليهم لباس أي nu. Personne n'aura de vêtements. غرلا لم ينقص من خلقهم شيء. قال وهو الذي لم يختن. نعم غرلا أي personne ne sera circoncis. Donc حفاة عراة غرلا على هذا الوصف. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. عائشة رضي الله عنها quand elle a entendu ce hadith, le hadith il est dans صحيح البخاري صحيح مسلم, elle a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام est-ce que les hommes et les femmes, ils seront dans le même endroit et chacun pourra voir l'autre nu. Ça nous montre. Anna ha'oula, radiyallahu anhum, Il donnait beaucoup d'importance à ce point. Et la gravité de se mélanger homme et femme, la gravité de se dévêtir, de se dénuder. Falihada Aisha, radiyallahu ta'ala anha, quand elle a su que tous les êtres humains ils seront ressuscités et au départ ils seront nus, et vu que ça englobe tous les êtres humains, donc il y aura des hommes et des femmes, elle a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Ar-rijal wa an-nisa yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Tellement que pour eux c'était quelque chose de grave. Tellement que pour eux, la yatahammalun, à leur époque, une femme, elle ne pouvait pas accepter de se dévêtir devant des hommes. Voilà, poser cette question. Et à ce moment, est-ce que les hommes et les femmes, ils seront ensemble nus et chacun pourra regarder l'autre? فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Tellement que ça sera difficile, tellement que ça sera compliqué, tellement que les gens ils auront d'autres problèmes. Personne ne pensera plus à regarder l'autre. À ce moment, l'homme ne sera pas attiré par la femme. La femme, elle ne sera pas attirée par l'homme. À ce moment, personne ne pensera à son physique. Un tel, il me regarde. Oh, abadan. Al-amru ashad. L'affaire, elle sera beaucoup plus grave. Voilà, ça arrive, dunya. Tu es confronté à une certaine situation et tellement que tu as peur, tellement que tu souffres, tu ne penses plus aux autres. Un tel, il te regarde ou il ne te regarde pas. Tellement que tu es dans une situation difficile. Ça fait hadaliyum, ça sera beaucoup plus difficile. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فكل انسان له شأن يغنيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اتامل ce verset او ces versets من سورة عبس. يوم يفر المرء من اخيه. Ce jour-là, l'homme ou la femme est fuiront. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ay, chacun, même son frère, même ton frère, ton propre frère, tu le délaisseras fi hadha al-hal. Chacun pensera à fuir. Wa ummihi wa abihi. Encore plus important que le frère, les parents, la mère et le père. Dans cette situation, ce jour-là, plus personne pensera à son père ou à sa mère. Qal wa sahibatihi wa banihi. Kadhalik. As-sahiba, c'est la femme, l'épouse, ou Abani, ses enfants. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les personnes les plus proches pour chacun de nous. Son frère, ses parents, son épouse et ses enfants. Qala azza wa jalla li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughniyah. Chacun de haoula, ceux qui ont été cités, le frère, le père, la mère, l'enfant, l'épouse, chacun de haoula, il sera préoccupé par quelque chose de beaucoup plus important. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله لا رجل ينظر الى امرأة ولا امرأة تنظر الى رجل حتى ان ابنه او اباه يفر منه. حتى son propre fils, sa propre fille, ses propres parents, ils fuiront. Chacun il essaiera de trouver comment s'en sortir. قال خوفا من ان يطالبه بحقوق له. Pourquoi les propres parents, les propres enfants, le frère, l'épouse, les mains, ils fuiront. Il aura peur. Il aura peur que tu lui demandes un haq, un droit, une chose que tu lui devais ou qui te devait. C'est un yom azim. Qala rahmatullah alayhi. وإذا كان هذا هو الواقع فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة. الأمر أشد وأعظم. ولله الحمد. Dans la conférence sur يوم القيامة qu'on avait fait ensemble dans la série les étapes sur les étapes de l'au-delà, on avait détaillé ce jour avec les preuves du Coran et de la Sunna et les paroles des imams de la Sunna. ولله الحمد. قال ولكن مع ذلك يكسون بعد هذا. Naam, le fait qu'on sera tous ressuscités nus, pieds nus, etc. Les êtres humains ne resteront pas à la hadal hal, ils ne resteront pas nus. Allez, hada qal shaykh al-Uthaymeen, walakin ma'a dhalik yuksawna ba'da hada. Naam, après la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera, ou il facilitera à qui il veut d'avoir des vêtements. Wa awwal man yuksa Ibrahim, عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Dans la note de bas de page, رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé, on a le premier qui sera vêti ou vêtu, qui aura des vêtements, ça sera Ibrahim عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله. أي on revient au matn. قول الإمام ابن تيمية رحمه الله وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. À ce moment, tout le monde sera ressuscité. Tout le monde sera debout. Tout le monde attendra les comptes. À ce moment, le soleil il se rapprochera. تدنو منهم الشمس. Le soleil se rapprochera de tous les êtres humains. قال ويلجمهم العرق. ثم chacun par rapport à sa situation, il sera, بعضهم عيادا بالله, ils seront engloutis par leur propre sueur, ou ils seront plutôt noyés dans leur propre sueur, et d'autres jusqu'à la cheville, d'autres jusqu'au genou. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا الميل لأن جاء في الحديث, on peut citer la preuve, في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ميل بكسر الماء بكسر الميم ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. Donc chacun par rapport à ses actions il suera vu que le soleil sera très très proche. قال فمنهم من يكون إلى كعبيه. Certains, leur sueur arrivera au niveau de leur cheville. ومنهم من يكون إلى ركبتيه. Certains, leur sueur elle montera jusqu'au niveau de leur genou. ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نعم, et certains jusqu'au niveau du cou. Et d'autres, ils seront, عياذا بالله, noyés dans leur propre sueur. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم il a montré, il a fait un signe en direction de sa bouche. والله المستعان. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل أو المكحلة. العلماء ils ont divergé sur l'explication de le ميل. بعضهم ils ont dit le ميل c'est la distance qui est connue jusqu'à aujourd'hui. Certains pays, surtout les pays anglophones, ils utilisent encore cette unité pour mesurer les distances, et le mile, un peu plus d'un kilomètre 5, un kilomètre 6 à peu près. Ou pardon, ils disent c'est le mile, c'est le petit bâton, c'est la taille d'un crayon que les femmes elles utilisent pour se noircir les yeux, pour mettre al-kuhl. Ça s'appelle al-mikhala en arabe. Donc ce petit bâton, il fait quelques centimètres, un peu moins de 10 centimètres. Enfin, imma à peu près 10 cm, imma 1 km, 1 km 6. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله سواء كان المسافة أو ميل المكحلة فإنها قريبة. نعم, que ce soit la distance du petit bâton ou le mile 1 km 5, 1 km 6, là chacun a le soleil sera très très proche. وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل. في الدنيا أحيانا il fait très très chaud, surtout dans certains pays, dans certaines régions. مع أن le soleil il est à الله أعلم combien de milliers, combien de millions de kilomètres. Et tu trouves des fois quand il fait très très chaud à certaines périodes et surtout dans certains pays, l'être humain il souffre du jiddan. ما بالك أن ce soleil il sera un kilomètre à peu près, au moins d'un kilomètre ou quelques centimètres. C'est pour ça que celui qui réussira à ce moment, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il facilitera. ثم شيخ ابن عثيمين رحمه الله il a cité un ishkal que بعضهم il se pose. Hey, si le soleil il sera très très proche, comment les êtres humains ils vont patienter? Ils ne seront pas brûlés, etc. Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a démontré que c'est min umur al-akhira. قال أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هم عليها الآن، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. هذا أولا. Premièrement, là, les êtres humains, يوم القيامة, ils patienteront beaucoup plus longtemps. La preuve, يوم القيامة, كما أخبر الله عز وجل, ce jour, il durera 50 000 ans, et les gens, ils dormiront pas, et ils attendront debout. Voilà, chacun d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il donnera une certaine force à l'être humain pour qu'il puisse patienter. Et que d'ailleurs, son corps, il ne brûlera pas, même si le soleil sera très très proche. Et que d'ailleurs, une autre chose, là, c'est يوم القيامة. Ne pas comparer avec Dunya. À Dunya, si le soleil il se rapprocherait à peine un peu plus, tout le monde brûlerait. Mais le jour du jugement dans l'au-delà, c'est autre chose. ثم شيخ ابن عثيمين قال هل أحد يسلم من الشمس؟ Ça c'est une question importante. Est-ce que on pourra être à l'abri ce jour-là quand le soleil sera très très proche? Tellement qu'ils se rapprochent certains, ils sueront, hatta, ils se feront noyer par leur propre sueur. Et là, chacun ils souffriront. Il y en a des milliers d'années debout, et le soleil, il est très très proche, et l'insan, il est debout. Il n'y a aucun doute que c'est un châtiment très très douloureux. Et on peut se poser la question, est-ce que on pourra être sauvé, on pourra être à l'abri à ce moment? Et c'est ce genre de questions qu'on doit se poser. C'est pour ça qu'on étudie cette aqida. On n'étudie pas les étapes dans l'au-delà. Comme عياذ بالله بعضهم كأنهم c'est pour passer le temps ou autre. Comment on fait aucun effort pour se préparer là? On étudie ces étapes et ça fait partie de l'iman bil yawm al akhir pour se préparer. Et si on sait que le châtiment il sera de telle sorte et si on sait que il y a un moyen pour être préservé, pour échapper à ce châtiment, بإذن الله سبحانه وتعالى, c'est notre objectif. Donc on doit chercher comment faire. Est-ce qu'il y a une solution? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواب نعم. Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Celui qui a fait des bonnes œuvres, qui était sincère, qui était croyant, il sera préservé min Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Certains ils seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nabbaha anna hadhihi dhill, ne pas comprendre que c'est l'ombre d'Allah et que le soleil est au-dessus d'Allah azza wa jalla. Abadan la. Quand on dit l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une ombre que Allah subhanahu wa ta'ala il créera à ce moment. Une ombre, Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut, il créera une ombre et certains croyants ils seront sous cette ombre et ils seront à l'abri du soleil. قال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم informé أن سبعة أي سبعة catégories de personnes ils seront préservés. يوم لا ظل إلا ظله. Le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf cette ombre que Allah subhanahu wa ta'ala il créera. La première catégorie إمام عادل, un gouverneur juste. La deuxième catégorie شاب نشأ في طاعة الله, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'il est jeune il adore Allah subhanahu. قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. La troisième catégorie, un homme, son cœur il est attaché au masjid. Il aime beaucoup le masjid. Il pense beaucoup au masjid. S'il ne va pas au masjid ou il est contraint de ne pas aller au masjid, ça lui pèse. La quatrième, رجلان تحابا بالله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. Deux hommes. Et bien sûr, ça englobe les femmes. Beaucoup de hadith, beaucoup de textes citent les hommes. Et bien sûr, ça englobe les femmes. ورجلان تحابا في الله. Deux hommes ou deux femmes qui se sont aimés في الله. Ils ne sont pas aimés pour quelque chose de dunya. Ils ne se sont pas rapprochés pour un profit de ce bas monde. Là, ils se sont rencontrés في الله par rapport à la religion. إما في العلم, إما au masjid, إما في الحج, إما في العمرة. مهم, ce qui les a rapprochés, c'est la religion. وتفرق عليه. Et ils se sont séparés على هذه المحبة. Ça nous montre l'importance de la fraternité. هؤلاء, ces deux personnes, ils seront sous cette ombre. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كذلك, un homme qui a été une femme, elle lui a demandé de faire zina. Et cette femme, elle avait un certain statut et elle était belle physiquement et il a refusé. Pourquoi? لله عز وجل. Mais toutes les conditions, elles étaient réunies. Lakin, ce qui l'a poussé à ne pas faire al-fahija, al-munka, c'est al-khawf min Allah. Inni akhafu Allah. Cet homme, il a dit, je crains Allah. Il a refusé de faire ce péché. Il sera sous cette ombre. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. La sixième catégorie, un homme qui donne une sadaqa avec sa main droite et sa main gauche, elle ignore ce qu'il a donné. Et tellement qu'il est sincère et tellement qu'il ne se montre pas, حتى sa main gauche, elle ignore ce que sa main droite, elle a donné. Ça, c'est pour montrer sa sincérité. Ou elle aussi donne peu. As-sadaqa, bien sûr que plus le musulman y donne, mieux c'est. Lakin, walou peu, avec l'ikhlas, ça peut faire rentrer cet homme ou cette femme dans ces catégories. Aïe, sous l'ombre d'Allah, Azza wa Jal. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat ayna. Et la dernière catégorie, un homme ou une femme qui font du dhikr. Ils se rappellent de certaines choses, ou ils lisent le Coran, ou ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il pleure. Tellement que cette personne, elle est sincère, tellement qu'elle craint Allah, tellement qu'elle espère, tellement que hada dhikr, le Coran ou autre, ça la touche, elle pleure. C'est cette catégorie, ils seront sous cette ombre. Wa nas'alu Allah azza wa jal an yaj'alana minhum. Naam. Thumma Cheikh Ibn Uthaymeen, il a précisé que hada dhil, c'est pas l'ombre d'Allah azza wa jal. Et c'est une ombre que Allah subhanahu wa ta'ala créera. Ne pas comprendre que le soleil sera au-dessus d'Allah azza wa jal et cette ombre, ça sera l'ombre d'Allah. Il y en a le soleil sera au-dessus de lui. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Ali. Même à ce moment, يوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا كَمَا تَقَدَّمْ مَعَنَا. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, même à ce moment, il sera toujours l'Ali, l'A'la. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ففي الدنيا نحن نبني ظلنا لكن يوم القيامة لا ظل إلا الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده. On doit préparer هذا. في الدنيا أحيانا tu te retrouves dans un endroit et il fait très très chaud, il y a du soleil en pleine journée et tu essaies de te débrouiller pour te faire de l'ombre. Imma tu te déplaces, imma tu as un de tes vêtements, imma muhim. Tu peux trouver une solution. Et même si tu ne trouves pas de solution, la journée, elle passe très très vite. Arrivé au Asr, arrivé après l'Asr, ça commence à se rafraîchir. Et au Maghrib, le soleil, il s'est couché. Donc moi, tu as toute la nuit pour récupérer. Amma fi hadha al-yawm, il n'y a plus de nuit. Hadha al-yawm miqdaruhu 50 alf sana, kama akhbar Allah azza wa jal, 50 000 ans. On doit préparer hadha, on doit préparer cette ombre. بعض الناس كما تقدم معنا انهم سي دو فير كلكو شوز اي سو بريبار لا شك tu veux construire une maison tu te prépares tu veux voyager tu te prépares enfin, on doit préparer ce moment cette étape qui dure 50 000 ans والله الحمد pour les croyants elle durera beaucoup moins longtemps ça sera très rapide لكن est-ce que on a tout fait pour faire partie des croyants est-ce qu'on a tout fait pour essayer de rentrer dans une de ces catégories c'est sur ça qu'on doit On doit axer nos efforts principalement. Et le reste, ça viendra sans négliger de dunya, en faisant des efforts, lakin, pas comme pour cette étape. Wallah al-musta'an. Thumma qala rahimahullah. Wa tunsabu al-mawazin fatuzanu fiha a'malu al-ibad. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم après une certaine attente et تقدم معنا à ce moment أهل الموقف et les êtres humains ils demanderont au prophète الشفاعه pour que les comptes y commencent et tous les prophètes y refuseront de faire الشفاعه et Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fera cette intercession. يَرْفَعْ رَأْسَكْ وَسَلْ تُعْطَى وَشْفَعْ تُشَفَعْ ثُمَّ les comptes, ils débuteront. فَقَالَ فَتُنْصَبْ الْمَوَازِينَ فَتُوزَنْ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ ثم الله سبحانه وتعالى il pèsera les œuvres des êtres humains sur al-mizan. Il y a plusieurs preuves. قوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا سان دليل كلير ان يوم القيامة يغى الميزان. لكن كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح ان لفظ المؤلف قال فتنصب الموازين. Vous avez remarqué que l'auteur الامام ابن تيمية رحمه الله il a cité الميزان au pluriel, موازين. Et plusieurs balances. En apparence, il y en a plusieurs. كذلك dans le verset qu'on vient de lire. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فقال عز وجل موازين au pluriel. نعم. Et d'autres. فمن ثقلت موازينه. كذلك. Celui dont ses موازين seront lourds. Avec ses œuvres. Il aura beaucoup d'œuvres. فأولئك هم المفلحون. هؤلاء réussiront. Ça sera هؤلاء qui réussiront. Donc, on a des adillah qui montrent que هذا الميزان c'est au pluriel. Donc, il y en a plusieurs. Et on a un hadith قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Vous avez remarqué que dans le hadith, c'est au singulier. ثقيلتان في الميزان. Et sur la balance. Et dans les autres textes, les balances au pluriel. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Donc les ulama ختلفوا. Certains ils ont dit qu'il y aura plusieurs mizan, d'autres ils ont dit qu'il y aura qu'un mizan. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi قال انها جمعت باعتبار الموزون حيث انه متعدد وافردت باعتبار ان الميزان واحد او ميزان كل امه. Donc الذي يظهر c'est هذا القول. Ce qawl, il apparaît plus proche que l'autre, que qawluhu faman thaqulat mawazinu huna c'est bi'tibar ma yuzan. Et quand c'est au pluriel, c'est ce qui est pesé, pas la balance elle-même. Et quand tu relis bien le verset faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun huna as-siyaq c'est fi 'amali al-'abd. Faman thaqulat mawazinu ay les œuvres de cet être humain, si ces œuvres elles pèseront lourd dans la balance, enfin, il fera partie de ceux qui réussiront. Na'am. Amma fil hadith au singulier, enfin, c'est le mizan lui-même. Hada, c'est un qawl. Thumma Cheikh Ibn Uthaymeen, là, c'était une autre mas'ala. Est-ce que chaque communauté aura son mizan? Ou il y aura un mizan pour tout le monde? Une balance pour tout le monde? Ou chaque communauté aura sa propre balance? Enfin, hada, Allahu a'lam bih. قال شيخ ابن عثيمين لكن نتوقف او يتوقف الانسان هذا نعم on a pas de دليل على هذا فالله اعلم اما une balance pour tout le monde pour toutes les communautés اما chaque communauté elle aura sa propre balance على كل حال on doit faire des efforts pour se préparer prépare-toi اخي الكريم pour essayer de faire partie de ceux qui seront sous cette ombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il créera le jour où le soleil il sera très très proche. Kadhalik, prépare-toi le jour où ce mizan il sera placé. Une énorme balance. Allahu a'lam bi miqdariha wa bi wasfiha. Allah subhanahu wa ta'ala il créera cette balance énorme. Prépare-toi pour faire partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala qala fihim. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Tu as deux genres de personnes. Ceux qui auront beaucoup d'œuvres et la balance, elle pèsera en leur faveur. Ah, ou là, ils réussiront. Et les autres, ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. Et ceux qui leurs œuvres, ça pèsera pas assez lourd. Ils n'auront pas fait d'œuvres. Ah, ou العياذ بالله, الكفار, ils n'auront rien. Ah, ou là, ils auront tout perdu. فأولئك الذين خسروا أنفسهم. Donc, on fait attention. Et كذلك نستفيد من حديث البطاقة لعله سيأتي معنا إن شاء الله حديث البطاقة cet homme qui avait fait beaucoup de péchés il a agré لكن يوم القيامة tous ses péchés seront placés dans un plateau de la balance et dans l'autre plateau بطاقة une carte où il sera inscrit la shahada أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. cette carte, elle sera beaucoup plus lourde que tous les péchés. Enfin, la balance, elle penchera du côté de la ilaha illallah. Ça nous montre l'importance de tahqiq hada at-tawhid al-azim. Il y en a 7 hommes, même s'il a fait des péchés, il ne faisait pas de shirk, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, hada, ça nous montre qu'on a le meilleur moyen de faire pencher la balance du bon côté yawm al-qiyamah, c'est d'apprendre tawhid, c'est de le mettre en application, c'est de s'écarter de shirk, d'apprendre cette aqidah, d'apprendre l'iman, de mettre en application. Et kadhalik l'insan yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala, il se repent kathiran, et yawm al-qiyamah bi'idhnillahi azza wa jalla, il fera partie de ceux qui réussiront. Al-mu'tazila ad-dullal khalafu ahl as-sunnah wal jama'ah fi hadha al-bab. Ay la yu'minuna bi mizan haqiqi. Al-mu'tazila, ils disent que al-mizan c'est ibara 'an al-'adl, c'est la justice. Amma un mizan avec deux plateaux, etc., la yu'minun. Pourtant, les hadiths, ils sont clairs. Hadith al-bitaqa, ces péchés seront dans un plateau, fi kifa, et bitaqa fi kifa, al-kifa, c'est le plateau. Ça nous montre que c'est un vrai plateau. Tu peux pas dire que l'adl, il a un plateau, abadan. Lakin, ha'oula, quand as-sunna, elle contredit leur passion, ils rejettent le hadith. Quand le Coran il contredit leur passion, ils déforment. Et ils acceptent, iyadan billah, que ce qui est lié à leur passion. فنحذر شيخ العثيمين قال فالمعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له. انظر هؤلاء ils fonctionnent avec العقل. Et un عقل iyadan billah qui a été souillé par le bid'a et par l'égarement. فقالوا il n'y a pas besoin de balance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous juger sans balance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Enfin, ils ont dit, il n'y a pas besoin de balance. قال لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. Ça, c'est leur choubha. Donc, il n'y a pas un vrai mizan. Pourquoi? Parce qu'Allah, il n'a pas besoin de mizan. قال ولا شك أن قول المعتزلة باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. On a des adillah qui montrent que c'est un mizan avec un plat, avec deux plateaux, etc. Et qu'est-ce avec l'unanimité des salaf. قال ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل لا حاجة إلى أن نعبر بالميزان بل نعبر بالعدل. نعم, si c'est pas un mizan, enfin pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a cité un mizan dans le Coran et dans le Sunna? Il aurait pu dire l'adl, la justice, sans parler de balance, de mizan. هذا سنمنطق que هؤلاء الضلال. نعم. ولهذا قال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la justice, al-adl, dans le Coran. Et il a cité le mizan. Ça nous montre que le mizan, c'est haq. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sifatu al-adl, il est juste. Et kadhalik, si, ala qawlihim, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne. Donc, pourquoi il aurait créé le soleil? Pourquoi il a créé les cieux? Pourquoi il a créé? Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin il n'a pas besoin de ces choses. Il aurait pu maintenant nous donner de la lumière et de la chaleur dans ce bas monde sans soleil. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. On doit faire attention. Min hadhihi al-mu'arada avec l'aql. De contredire, de s'opposer au texte avec la raison, iyadan billah. Hada qawl al-mu'tazila. Donc, al-sahih, c'est que c'est un mizan wahid, wallahu a'lam. Et kadhalik, que c'est un vrai mizan. C'est ça la croyance de Ahle Sunna. Amma le fait que ce soit un mizan ou plusieurs, il y a une divergence entre les savants et Al-Amr Sahl. Que ce soit plusieurs ou un, l'essentiel c'est qu'on se prépare pour ce jour. Baqiya qawluhu fatuzan fiha a'malu al-ibad. Kadhalik, huna al-ulama ikhtalafu. Est-ce que c'est les œuvres qui seront pesées? Ou as-sahaif, les registres, les anges, tout ce qu'ils ont écrit dans les registres, est-ce que c'est ça qui sera pesé? Ou la personne elle-même? Il y a plusieurs adillah que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité. Amma ad-dalil anna c'est les registres, sahaif al-a'mal, fahada c'est dalil al-bitaqa qu'on a lu ou qu'on a cité en résumé précédemment. On peut le lire. أن رجلا يؤتى به على رؤوس الخلائق وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ 99 سجلا. Cet homme, plusieurs registres, il faisait beaucoup de péchés, حتى il a atteint 99 registres de ma'asi. قال كل سجل منها يبلغ مد البصر أو مد البصر فيقر بها فيقال له لك عذر أو حسنة فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلة donc c'est ça الشاهد et ces registres qui seront pesés et cette carte qui sera sur l'autre côté فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Donc ça c'est un délit clair qui montre que les registres ils seront pesés. On a des autres adillas qui montrent que c'est al-amil, que c'est al-amil. Qabla hada, on a des autres adillas qui montrent que c'est al-amil. قوله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Ça montre que c'est al-amil. Aïe. Ces paroles, ce dhikr que ce muslimi disait, ça pesera très très lourd. Fait le mizan. Subhanallah, l'azim, subhanallah wa bihamdi. Donc, hada, c'est le dalil sur l'amal. Et kadalik, on a des adilla, al-amil. Qala, azza wa jal, fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Aïe, al-kuffar. Ils n'auront aucun wazn yawma al-qiyama. Aïe. Ils pèseront rien sur la balance. Wa kadhalik hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu marra kana yajtani siwakan min al-arak, marra il est monté sur un arbre radiyallahu ta'ala anhu pour prendre un bâton de siwak, l'arracher de l'arbre. Wa kana radiyallahu anhu daqiq as-saqin. Il avait des jambes très fines, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. فجعلت الريح تحركه فضحك الصحابة رضي الله عنهم. Et il y avait du vent, et à un moment son camis s'est levé et ils ont vu ses jambes fines. فضحك الصحابة. Certains ils ont ri, رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. Et pourquoi vous riez? قالوا من دقة ساقيه. Ils ont dit parce qu'il a des jambes très très fines. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a juré que ces deux jambes fines, elles seront beaucoup plus lourdes que Uhud, yawm al-qiyam, aille sur la balance. Uhud, c'est une montagne. Ceux qui ont visité Madinatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu cette montagne. Allahu alam combien elle pèse. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ces deux jambes faqat, elles pèseront plus que Uhud, sur la balance. Enfin, hada, c'est un délil. L'insan aussi sera, il sera pesé. فالشيخ ابن عثيمين قال فصار ها هنا ثلاث أشياء العمل والعامل والصحائف. Donc on a des preuves qui montrent que l'œuvre elle sera pesée elle-même. كلمتان ثقيلة في الميزان. On a العامل, le hadith qu'on vient de voir مثلا de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, et الصحائف حديث البطاقة, et cet homme qui aura beaucoup de péchés et ses registres seront pesés. Donc tu as trois choses. قال الشيخ ابن عثيمين قال بعض العلماء الجمع بينها أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. نعم هذا سنقول. وقال أنا أبلي لبخم يقول إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف عمله ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وغاسم لي ستخوى حديث لأنه on peut les rassembler, ne se contredisent pas. Certaines personnes, ça sera leurs œuvres qui seront pesées. D'autres personnes, ça sera leur registre. D'autres personnes, ça sera eux-mêmes. Wallahu a'lam. Wa Sheikh Ibn Uthaymeen qal, walakin 'inda at-ta'ammul. Si tu médites bien sur tous ces hadiths, sur toutes ces preuves du Coran et de la Sunna, qal najid anna akthar an-nusus tadull 'ala anna alladhi yuzan huwa al-'amal. Sahih, la plupart des textes, ils montrent que ce qui sera pesé, ça sera les œuvres. قال ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. نعم. Donc la base c'est que c'est les œuvres qui seront pesées. Et là, il n'y a aucune contradiction que certains, leurs registres seront pesés ou eux-mêmes. Fallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, nashtahid. Nashtahid pour que cette balance, elle pèse du bon côté yawm al-qiyam. On pense pas qu'à remplir notre compte en banque, on pense pas qu'à remplir nos poches, on pense pas que à faire des efforts pour alourdir nos biens fi hadhihi ad-dunya. C'est bien de dunya Allahu a'lam, est-ce que c'est pour ton bien ou pour ton mal? Comme minan nas, ils se sont enrichis, se sont fait beaucoup de mal. Hadhihi al-amwal, même si c'est pour ton bien, yawm min al-ayyam, tu délaisseras ces biens. Et d'autres personnes après toi, ils en profiteront. Tes héritiers. Amma, ces a'mal, ces œuvres qui alourdiront bi'idnillahi azza wa jalla la balance, c'est ça l'objectif principal normalement du croyant. Est-ce qu'on a une garantie que le plateau il penchera du bon côté? On n'a aucune garantie. Allahu a'lam. Bel, tout ça c'est lié à des causes. كما قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه. Ça, ça nous montre أن من من الفضل عموم, et ceux qui auront beaucoup d'œuvres, qui alourdiront la balance, فأولئك هم المفلحون. أولئك réussiront. Donc ça nous montre que on est des êtres humains parmi les êtres humains et on doit faire des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Celui qui a fait, il trouvera. Celui qui n'a rien fait, il ne trouvera rien. Celui qui a fait peu d'œuvres, il trouvera peu. Donc, nashtahid. Nashtahid est celui qui a iman qawi fi hadha al-bab. La chakana, tous les jours, il doit penser à hadha. Khassatan, quand on lit Al-Qur'an et on lit ce genre de verset, on doit faire des efforts. Mathalan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna min athqal shay, parmi les choses qui seront les œuvres les plus lourdes dans la balance yawm al-qiyama, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé husnul khuluq, le bon comportement. Le bon comportement, ça alourdira la balance jiddan. Kadhalik adh-dhikr kalimatan habibatan ila ar-rahman khafifatan ala al-mizan. Un dhikr très très simple. Combien ça va te prendre de temps si tu dis subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdi? Ça te prend une seconde pour chaque dhikr. Enfin, plus tu en fais, plus tu alourdis ta balance. Hada, ça nous montre quand tu fais du dhikr, akhil karim, quand tu lis le Coran, n'importe quelle bonne action, essaye de te rappeler que c'est des actions, c'est des œuvres que tu mets de côté pour yawm al-qiyam. Wa'ad al-nas, ils ont cette niya fi dunya, enfin, à chaque fois, ils font des efforts pour remplir leur compte en banque. Et ils comptent tous les jours. J'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Et son but, c'est le maximum. On essaye de faire hada pour yawm al-qiyam. Ah, ma fille Donia, tu mangeras comme tout le monde. Les animaux, ils mangent. Tu as déjà vu un animal par terre en train de mourir de faim? Si ça arrive, c'est très très rare. Et c'est à cause de Obama, d'un être humain qui lui a fait quelque chose. Ouais, là, les oiseaux, ils mangent. Les animaux, ils mangent. Les êtres humains, ils mangent. Les djinns, ils mangent. C'est pas un problème, hada. C'est pas un problème, mais ça passe très très vite. Le problème, ou notre problème, ça doit être quoi? Ça doit être, est-ce que yawm al-qiyama, on a préparé quelque chose. Allez, elle a fait des choses. Essaye d'apprendre du ilm et laisser un ilm. L'ilm, kadalik, c'est parmi les choses qui alourdissent la balance. Il y en a, si tu propages du ilm, tous ceux qui profitent de ce ilm, c'est des hasanats pour toi. Et les hasanats, ça alourdit la balance. Hakada, ta'atul walidain, obéir aux parents. Et toutes les bonnes actions. Nas'alullah, azza wa jal, min fadlihi. ثم قال رحمه الله, on essaie de finir cette partie. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الآية أو لدو فيرسين من سورة الإسراء. فنشر الدواوين après les comptes, quand l'insan, ses œuvres, elles seront pesées sur cette balance, فكل واحد il récupérera son kitab. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الدواوين جمع ديوان، وهو السجل الذي تكتب فيه الأعمال. يتخدش بعض الرجستر كما الليفر. مثلا tu as déjà vu certains commerçants, ils ont des livres. C'est leur compte. Telle année, telle année, telle année. Et ils écrivent ce qu'ils ont dépensé, les dépenses, ce qu'ils ont, les bénéfices, les investissements. Un livre, c'est les comptes de son commerce. فَهَكَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Un livre avec les bonnes actions, les mauvaises actions. فَكُلُّ وَحَدِ récupérera ce livre. قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Un livre, tout le monde trouvera son livre منشور devant lui. اقرأ كتابك, lis ton livre. Chacun lira. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et ce livre, il y aura tout ce que l'abd il a fait. Rien ne sera ajouté. قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Hey, lis ton livre et regarde toi-même. Tu n'as besoin de personne d'autre. Et tout le monde lira ce jour-là. Même ceux qui ne savent pas lire. وكفى, قال عز وجل, كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Hey, tu feras tes propres comptes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. On doit préparer. كذلك هذا اليوم. أما قوله فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. Donc certains prendront ce kitab de la main droite, d'autres de la main gauche et d'autres derrière leur dos. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخره. Ça c'est celui qui a fait des efforts. Celui qui a fait des efforts, il sera très très heureux. Il sera satisfait. فأما من أوتي كتابه بيمينه, celui qui prendra son livre de la main droite, فيقول ها أم اقرأ كتابي, il dira lisez mon livre, لا rien à cacher, والله الحمد لله على خير. قال إني ظننت أني ملاق حسابي, الظن هنا c'est اليقين كما تقدم معنا. Il était sûr, convaincu, أن un jour il allait avoir les comptes. Et tout ce qu'on a cité par rapport au jour dernier, cet homme ou cette femme, ils étaient sûrs. قال فهو في عيشة راضية, le fruit, tous les efforts, في الدنيا, et toute cette patience, يوم القيامة, toute cette attente, quand il prendra son livre de la main droite, خلاص, il a réussi. أنت في الدنيا, في الدنيا, si on prend l'exemple du permis de conduire, on est tous passés par là, quand il te donne ton permis, تشعر بفرح, pourtant c'est quelque chose de الدنيا. Tout le monde a le permis, ou la plupart des gens, ils ont le permis. Même si tu ne l'as pas ce jour-là, tu l'auras la prochaine fois, bi-idhnillah. Lakin, quand ils te le donnent, tafrah. Ou, wa'adhannas, mathalan, leur premier salaire. Quand il prend son premier salaire, yafrah. On dit le premier, liana, c'est plus. Après, ça devient une habitude. Fa'ala kulli hal, unzuru, quelque chose de dunya, tafrah. Ou si quelqu'un te donne un cadeau. Khassatan, si ce cadeau il a une certaine valeur, même s'il n'a pas de valeur, là, s'il a plus de valeur, encore plus, tafrah, tu es content. C'est tout à fait normal. Fata'ammal ce jour-là. Toute cette vie que tu as passée. Thumma, l'étape de la tombe, Allah alam combien de temps. Thumma, le jour du jugement, Allah alam combien de temps. Thumma, cet être humain, il prend son livre de la main droite. Qala azza wa jal, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Khalas, il a réussi. في عيشة راضية, il sera satisfait pour l'éternité. في جنة عالية, ça montre à هذا que الجنة est في العلو, الجنة est au-dessus des cieux, et cet être humain il sera dans ce paradis. قطوفها دانية, كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Hey, mangez, profitez, faites-vous plaisir. Pourquoi? C'est quoi la cause? قال عز وجل بما أسلفتم. أسلفتم, est-ce que vous avez fait, ce que vous avez fait avant, ce que vous avez accompli, في الأيام الخالية, à l'époque, quand vous étiez في الدنيا. Donc il n'y a pas de secret. Celui qui veut réussir, qu'il fasse les causes. Celui qui veut réussir, qu'il se prépare. قال عز وجل واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي. اما celui qui recevra son livre de la main gauche, il regrettera. Si seulement il espéra, si seulement il ne récupère pas ce livre. Si seulement pour lui tout s'arrêterait. كما جاء في الآية الأخرى يا ليتني كنت ترابا. هؤلاء الكفرة qui prendront leur livre de la main gauche, ils espéreront devenir poussière, ils espéreront ne pas prendre ce livre. Enfin, toutes ces années qu'ils ont profité, toutes ces années de... ils ont suivi leur passion dans le haram, etc. Tout ça, ça disparaîtra en un instant. Ça sera que du passé, ils n'y penseront plus jamais. Et ils regretteront. Vous avez remarqué que dans ce verset, c'est cité la main gauche, la main droite et la main gauche. Donc les croyants, ils prendront de la main droite et les kuffars de la main gauche. Il y a un autre verset... في سورة الانشقاق قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا عياذا بالله. على كل حال الشاهد أن dans ce verset هؤلاء prendront leur livre de la main gauche. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى cité الجمع قال رحمه الله فظاهر الكلام كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر. Donc Cheikh l'Islam رحمه الله il a cité les trois cas en se basant sur ces versets qu'on a lu ensemble. Donc كأنه il y a trois cas, certains de la main droite, d'autres de la main gauche, d'autres derrière leur dos. لكن Cheikh ibn Uthaymeen قال ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات. فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بالشمال. Donc il y a deux cas. Le premier cas, c'est les croyants qui prendront de la main droite. Et la deuxième catégorie, les kuffars, ils prendront leur livre de la main gauche. ثم قال جمع العثيمين فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف. عيدا بالله. أنهم ils prendront leur livre de la main gauche et leur main, elle sera du côté de leur dos. قال فكونه ياخذه بالشمال لانه من اهل الشمال. Pourquoi ils le prendront de la main gauche? لانهم ils font partie des gens عياذا بالله qui ont suivi l'égarement الشمال. Il y a aucun doute que la droite c'est meilleur que la gauche. وكونه من وراء ظهره لانه لما استدبر كتاب الله وولى ظهره اياه في الدنيا صار من العدل ان يجعل كتاب اعماله يوم القيامه خلف ظهره. الله سبحانه وتعالى il dit juste كم الكفار ils se détournent, Fidounia, ils tournent le dos, ils ne veulent pas écouter, ils se moquent, ils prennent les croyants de haut, ils ont de l'orgueil. On les voit là, ils donnent aucune qima à ce dîn, aucune valeur pour eux à la religion. C'est devenu des athées et ils ne croient plus. Vu qu'ils ont tourné le dos, ils seront récompensés, punis de la même façon. Tu as tourné le dos. Al-Yom, tu recevras ton livre par derrière. Et la main gauche, elle passera par derrière et récupérera ce livre. Hada al-kafir al-mujrim, iyadam billah. Naam. Qala fa'ala hada tukhla al-yad al-shimal hatta takun min al-khalf. Wallahu alam, comment ça se fera. Wa nas'alu Allah azza wa jal as-salama wa al-afiyah. Thumma, rahimahullah, et on finit bihada, qala, wa yuhasibu Allah. الخلق dans une نسخة الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم لا étape par rapport à au hisab, c'est ce que l'imam le Taymiyyah il a cité. Enfin, les croyants ils rendront des comptes et les kuffars on verra inshallah ma dhakarahu l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah. Awalan qawluhu wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu بذنوبه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أو بلتو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا صح حساب المؤمن Ce hisab, ça sera bien le mu'min ou bien Allah, Azza wa Jal. Personne ne sera au courant. Allah subhanahu wa ta'ala, yastur le mu'min. Le mu'min, il sera caché à ce moment. Hatta personne ne sait. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu lah ta'rif dhanb kada. Est-ce que tu reconnais tel péché? A ta'rif dhanb kada? Fa yaqul na'am, ay rab. Ça nous montre que le mu'min, il n'est pas ma'soum. Il fait des péchés, il a des faiblesses, il a des manquements. لكن تأملوا هذا الموقف أن المؤمن يجرى نعم نعم يا رب يكون إتخاء فسنو موت خلنا ستشغو كوني في الدنيا يشوف التوبة فلا شك أنه سنافع جدا سيسيوتي اليوم القيامة سسوغى نافع من باب أولى في الدنيا فنطوى غوكونا تخنو فوت سسوغى ريان دو سفوغى للا فاس خاصة تنسي كالكان تو كونسي tu as fait tu es un être humain t'es pas le premier tu n'es pas le dernier فالاعتراف سطيب هذا الاعتراف ستوى بوسي أو غوبانتير On se reprend, Inch'Allah, on est à la khayr. Hada al-mu'min, il dira na'am. Na'am, ay rab. Il admettra. Hatta idha qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halaka. Cet être humain, tellement que il reconnaîtra tes péchés. Na'am, ya rab. Na'am, ya rab. Oui, j'ai fait cela. Oui, j'ai fait ceci. Oui, j'ai dit cela. Hatta à la fin, il pensera que khalas, il est perdu. Il s'en sortira pas. Qala. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira « Satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm » Et je t'ai caché ces péchés fi dunya. Ça montre un ce mu'min, il a eu des faiblesses, mais il ne se vantait pas. Et ça montre qu'il reconnaissait ses torts. La preuve, il ne faisait pas ses péchés devant tout le monde. « Lihada al-insan yastur nafsa » Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire des péchés en se cachant là. Mais celui qui a fait un péché qui est affaibli, ne le raconte pas, akhil karim. Allah subhanahu wa ta'ala satarak. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a voilé. Ou plutôt il ne t'a pas dévoilé ce péché. Fastur nafsak. La'alla yawm al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala il te le pardonne. Et كذلك tub ila Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait tawba, la shak Allah il lui pardonne. Qala satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm fayu'ta kitab hasanatihi wa amma al-kafir wal munafiq fayaqulu al-ashhad هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أما الكفار كذلك المنافقون فالله سبحانه وتعالى يدغى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم c'est eux qui ont menti في الدنيا ils ont pas cru ألا لعنة الله على الظالمين que la malédiction soit sur les injustes أما المؤمن il aura pris son livre avec ses hasanat الحمد لله il sera على خير الله سبحانه وتعالى lui a pardonné هذا حساب المؤمن كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها et dans ce hadith كذلك حديث ابن عمر في الصحيحين ورضي الله عنهم أجمعين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذه صفة حساب المؤمن يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد personne n'entendra personne ne verra بين العبد وبين ربه يخلو بها الخلوة سيزولي أي ستت رما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يفعل ce qu'il veut نعم فإلوي ديغا إسكو تعفى تل شوز كما نعفى دون الحديث فقال شيخ العثيمين رحمه الله ومع ذلك فإنه سبحانه يضع عليه السترة يغى أن فوال personne ne verra بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن فإن الإنسان إذا قررك بجنايتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة صحيح même في الدنيا si quelqu'un tu reconnais tes torts envers quelqu'un لكن il te dit ça devant tout le monde même s'il te pardonne tu vas sentir que ça s'est fait devant tout le monde et ربما tu vas mal le prendre فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى ce مؤمن soit à l'aise Et il reconnaît ses torts, personne ne le verra, personne ne l'entendra. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout. Donc ses péchés, personne n'était au courant fi dunya, et personne ne sera au courant yawm al-qiyama. Fastur nafsak. On doit faire attention à ça. Si on a un manquement, natoub ila Allah, et surtout ne dévoile pas ses péchés, bien sûr, sauf dans certains cas, comme on l'a déjà montré. Amma baqiya al-kuffar, est-ce qu'ils auront des comptes à rendre? Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, qala, après avoir cité la parole de l'imam Nutaymiyya, rahimahullah, hakada ja'a ma'na fi hadith Ibn Umar, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حساب حين ذكر حساب الله تعالى لعبده المؤمن أو حساب الله تعالى لعبده المؤمن وأنه يخلو به سلف حديث qu'on vient de lire. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen قال وفي صحيح مسلم عن أبي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيلقى العبد أي يلقى الله العبد يعني المنافق فيقول يا فل أي يا فلان أي سغادي ومنافق يا فل أي فلان أو أي أنتل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبل. الله سبحانه وتعالى يستخدم كل النعم à ce kafir et à ce munafiq. Est-ce que je ne t'ai pas donné une monture, une femme, des enfants, des biens, la bonne santé, etc. فيقول بلى, il reconnaîtra, il dira نعم. قال فيقول أظننت أنك ملاقي, est-ce que tu pensais que tu allais me rencontrer et tu allais rendre des comptes? فيقول لا, il dira là. Et c'était pas des croyants. Ça nous montre أن le fait de croire au jour du jugement, au jour dernier, qu'on rencontrera tous Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est un des fondements de notre dîn. Vu que ha'oula, ils n'ont pas cru, fayaqoulou la, il dira la, je ne pensais pas rencontrer Allah. Fayaqoul fa inni ansa kama nasitani. Comme tu m'as oublié fi dunya, fa je t'oublie al-yawm. Taqaddam ma'ana an Allah azza wa jalla, il a les attributs parfaits. An-nisyan huna, c'est pas l'oubli qui est fondé sur l'ignorance. La. An-nisyan huna, c'est bi ma'ana at-tark. Et comme tu m'as oublié, tu n'as pas voulu croire, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il l'oubliera et il le délaissera. Il le délaissera dans ce jour, ayyadun billah. Ne pas comprendre, il le délaissera sans châtiment. Là, il le délaissera, ayy, dans le châtiment, fil adab. Éternellement, ayyadun billah. Qala, thumma yulqa thani, fa yas'aluhu, fa yajib, kama ajab al-awwal, fa yaqulu Allahu azza wa jal, fa inni ansa kama nasitani. Ila akhiri, thumma qala, azza wa jal, فيقول أو بلتو نعم وكنتني لحديث فيقول يا رب آمنت بك وبكتبك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. هذا حال المؤمن. فعلى كل حال الكافر il n'aura pas les comptes comme le mu'min. Est-ce que tu as fait telle bonne action? Est-ce que tu n'as pas fait? لأن الكافر il n'a pas de bonne action. Il a que du kufr, que de la mécréance. Même le bien qu'il a fait في الدنيا c'est pas accepté عند الله. Le bien qu'il a eu في الدنيا, peut-être que s'il a une chose, une récompense, c'est fitounia. Il a fait telle chose, il a gagné telle chose, ça c'est fitounia. Amma yawm al-qiyama, fa al-kafir, il ne trouvera rien. Comme قال عز وجل, wa qadimna ila ma amilu min amalin, fa ja'alnahu haba'an manthura. Wa qala عز وجل, wa la in ashrakta la yahbatan amaluk. Ay, amalu al-kafir, même s'il a fait une chose, le kufr, son shirk, il lui annule tout. Sa mécréance, ça lui annule tout. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول المؤلف رحمه الله محاسبة من توزن حسناته وسيئاته إلى آخره إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات. وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما لكم ne pas comprendre qu'il n'aura pas du tout de compte là. Il n'aura pas de compte à Nao, les bonnes actions, les mauvaises actions. Il n'a que des mauvaises actions. Donc il n'a pas besoin de compte. Son corps, il est scellé, il est clair. Lakin, le fait qu'il reconnaîtra les ni'am d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, je t'ai donné telle chose, telle chose, telle chose. Thumma, il reconnaîtra. Thumma, il lui demandera, est-ce que tu espérais me rencontrer? Il dira là. Thumma, il rentrera en enfer. Ça sera ça, les comptes du kafir. Donc ça ne sera pas comme le mu'min. Fanas'alullah. سبحانه وتعالى أن يثبتنا حتى نلقاه وأن يرحمنا وأن يجعلنا من المؤمنين في الدنيا والآخرة ونكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس والحمد لله. On voulait terminer ce passage حتى demain inshallah ta'ala on commence ما يتعلق بالحوض أي le bassin du prophète عليه الصلاة والسلام يوم القيامة Et on passe à notre deuxième dors, Inch'Allah.